je t'aimais, tu m'aimais, c'est bien fini désormais. T'as osé te griser de l'odeur de ces baisers. Si je tue, toi tu mues, brisons-la, n'en parlons plus. Le pitaine ou moi, il te faut choisir, et cela sans réfléchir. Lequel des deux comble tes voeux, dois-tu préférer ces caresses? Au moment fou, pourtant si doux, que nous connûmes dans l'ivresse. Lequel des deux saura le mieux te retenir, femme traîtresse? Fais-moi cet aveu, car vois-tu, ça m'aime. Lequel des deux? Un désir, un soupir, on ne peut le retenir, car l'amour, oui toujours, se passe de longs discours. Je t'ai plu, tu m'as plu, enfin nous nous sommes plus. T'as pas craint, méchante, de briser mon cœur et piétiner mon bonheur? Oh. Lequel des deux comble tes voeux, dois-tu préférer ces caresses? Au moment fou, pourtant si doux, que nous connûmes dans l'ivresse. Lequel des deux saura le mieux te retenir, femme traîtresse? Fais-moi cet aveu, car vois-tu, ça m'aime. Lequel des deux?